Nous sommes diffusés en direct sur Internet, mais aussi en hertzien à Paris et à Mulhouse, qui ont des fréquences associatives qui le permettent. Voilà, le plateau radio va faire entre 1h30 et 1h40. Et après, nous enchaînerons avec une pièce inédite d'un artiste présent ici, Didier Talagrand. Et puis, une performance sonore à 18h, justement, de Julien Claus, qui est aux manettes ici. Et on fera une pause entre le plateau radio et l'enchaînement. Radio Utopia, Nouvelles du Monde, à Venise pour la 18e Biennale d'architecture au pavillon français dans le Ball Theater. Le son qui reste. Pour démarrer cet échange que nous allons avoir, je vous propose un extrait d'un texte d'une personne qui a réalisé des choses miraculeuses pendant de nombreuses années. Il s'agit de René Farabet, créateur des ateliers de création radiophonique sur France Culture et qui a permis au sonore de s'échapper des cadres habituels dans lesquels il était. Ça s'échappe du poste et on écoute de biais. Où donc ça se situe? L'écoute, des points variables d'écoute. Déplacement, peut-être est-on nulle part, vertige. La scène sonore bâtie sur des glissements d'espace. Est-ce à dire que c'est par le son que l'on peut le mieux dérouter aujourd'hui? Par le biais de la fiction déployée, les lieux plus ou moins familiers et déjà répertoriés sont déportés quelque part, déconnectés, décentrés, dérivés, tout près et où, tout au loin, sur quelle table d'opération sonore? En quelle hétérotopie? Alors, pour notre plateau radio, faire entendre, écouter, émettre, recevoir, voici un des objectifs de ce Ball Theater dans lequel nous sommes, et plus particulièrement de cette semaine avec Radio Utopia Nouvelle du Monde. Que nous reste-t-il du sonore quand quelque chose est fini, s'éteint, quand quelque chose a disparu, est suspendu ou encore loin de nous? Sa mémoire, sa traîne, comme dirait un ami anthropologue Patrick Romieux, est toujours là, prête à être remémorée. Même après que le son a cessé, son impact ou son souvenir continue de résonner en nous. Le son par nature ubiquitaire, le silence est énigme, et tout lieu est de mémoire autant que fiction. Pour interroger ce son qui reste, on a le plaisir d'accueillir trois personnes qui, à partir de leurs expériences, questionneront cette traîne sonore. Tout d'abord, à ma gauche, Monica Fantini, autrice sonore, productrice et réalisatrice d'une émission fameuse qui s'appelle « Écoutez le monde » sur Radio France Internationale. En face de moi, Ona Ballot, qui est historienne de l'art. Elle va commencer une thèse cet automne au Cresson qui porte sur le patrimoine qui reste, l'espace sonore des églises romanes des Pyrénées catalanes après l'enlèvement de leur peinture murale. Et pour cette thèse qu'elle va démarrer, elle a été lauréate de la bourse de la Caixia Fondation. Et vous verrez que ce retour vers le passé est pour mieux penser le futur sonore. Enfin, Jean-Paul Thibault, sociologue au laboratoire AAU et à l'équipe Cresson, nous parlera d'un site, d'une énigme, une énigme du silence à Mauá, qui est une ville à côté de Sao Paulo au Brésil, où il a pu mener avec une équipe une ethnographie atmosphérique des sonorités urbaines. Mais pour démarrer, avec Monica. Et donc, vous enregistrez et composez des pièces sonores à partir de sons du quotidien. Vous collaborez avec divers artistes et chercheurs pour créer ce qu'on peut appeler une communauté d'amateurs du son. Cette émission Écoutez le Monde sur Radio France Internationale est en même temps une plateforme participative qui présente des sons du quotidien du monde entier, reflétant le quotidien des cultures et des langues. En quelque sorte, vous avez anticipé où nous avons fait un plagiat par anticipation avec notre bal théâtre, puisque ça fait de nombreuses années que vous allez recueillir des nouvelles du monde et que vous les diffusez à votre tour. Et donc, Monica, vous avez une installation sonore ici qu'on a écoutée ce matin qui s'appelle « Par cœur, le son qui reste ». Et peut-être on peut démarrer par ça avant d'écouter une première pièce sonore. Très bien. Oui, là ça va ? Oui, cette pièce, ça s'appelle « Les sons qui restent ». Et effectivement, c'est un travail qui a commencé par beaucoup de questions. Je voudrais juste préciser les contextes aussi. Merci pour cette présentation. Bien dit que je présente depuis 10 ans une émission qui s'appelle « Écoutez le monde » sur Radio France Internationale. Et ce qui est particulier de cette émission, ce sont deux pastilles sonores, des petites compositions de 2 à 3 minutes qui sont diffusées dans les journaux d'information. Radio France Internationale, pour qui ne la connaît pas, est une radio mondialement connue, radio publique, qui a 400 correspondants dans le monde, qui est diffusée en 15 langues différentes et qui a fait les choix de placer dans les journaux d'information des créations sonores ou des sons. Parfois, les pièces que je compose, vous avez dit, c'est à partir vraiment des sons du quotidien. Les quotidiens des villes, et pas seulement des villes, mais du monde. C'est-à-dire, j'essaye de tisser des histoires et d'utiliser les sons comme un vocabulaire pour des narrations. Et ça peut être les bruits du métro parisien, les clochettes des cireurs, des chaussures de Port-au-Prince plutôt que, par exemple, les cloches de minuit sonnées ici à Venise, les fameuses cloches de la Marangona. Et comme on sait, en fait, pour moi, ce sont des éclats des vies. Ce sont des sons qui racontent la vie des autres. Mais comme on sait, les sons et aussi beaucoup de choses, les coups culturel d'abord, évidemment pour un Parisien il suffit quelques secondes pour reconnaître son métro qu'il prend tous les jours et ainsi de suite pour quelqu'un de Port-au-Prince, la petite clochette du serreur des chaussures, etc. Et dès le départ, puisque souvent je fais cet exercice-là d'écouter l'inconnu, d'écouter des sons que j'écoute pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question de dire comment on écoute. Qu'est-ce que c'est qu'écouter ? Comment écouter et se débarrasser, par exemple, de l'exotisme possible ? On sait qu'on écoute avec son histoire, sa mémoire, sa culture. Et du coup, je me suis dit, ce projet-là, le son qui reste, peut-être aussi, il faudrait interroger des écouteurs, des personnes qui écoutent, pour savoir comment ils écoutent. Et j'ai posé une question, qui est celle-là, qui est très simple, de dire de tout ce que vous écoutez, de tout ce que vous entendez du monde, qu'est-ce que vous n'oubliez pas ? Qu'est-ce qu'on retient ? Qu'est-ce qu'on connaît par cœur ? Voilà. Alors, on écoute un morceau que vous avez choisi. Yalatnam, yalatnam, lahbaban ruhamam. Le son et le souvenir qu'il a laissé. Écoutez le monde. Écoutez le monde par cœur. Il y a quelque chose que j'oublie pas, que moi j'ai du mal un peu à répéter des fois parce que j'ai pas la prononciation exacte. Mais par exemple, quand j'étais petite et que mes parents me berçaient pour aller dormir, il y a des chants souvent qui chantaient en libanais, qui sont toujours restés dans ma tête. Et voilà. C'est le fredonnement, en tout cas l'air qui me revient et surtout le début qui est Yalatnam, Yalatnam, L'arba ben ruhamam, ruhel yahamam, la tzedi, ambitsah, taléatnam, léa léa l'handa'a. Enfin, je suis d'origine libanaise, mais je suis née en France et j'ai grandi en France. Et j'ai perdu très vite la langue parce qu'en entrant à l'école, j'ai dû apprendre le français. Et petit à petit, il fallait parler français pour apprendre. Et donc, j'ai perdu cette langue quand j'étais vraiment très petite, 3-4 ans. Petit à petit, elle s'est évaporée. Et là, c'est comme si... c'est quelque chose d'inexplicable, justement. Elle est présente toujours. Elle est toujours présente. Je ne sais pas la parler parce que je n'ai pas les mots exacts. Par contre, quand je l'entends, c'est vraiment... Le souvenir revient. Des petits mots comme ça qui me viennent... Yalatnam, yalatnam, lahba bal ruhamam, yalatnam, ladbah la ruhel yahamam, yahamam, latsaddi, saddi, budhak ari matatnam, rima rima lhanda'a, sha'arik ashar wimna'a. واللي حبك بيبوسك اللي بغضك شو بيترقى. Justement, quand j'entends, je suis complètement transportée et j'ai l'impression de retourner dans mon pays, alors que j'ai jamais vécu là-bas. Quand on est de culture comme ça, on est fait des deux et je pense que c'est pour la vie. Ma mère, des fois, me l'a chanté aussi par le téléphone quand elle était loin et qu'on allait dormir avec ma petite sœur. Elle n'était pas à la maison, elle nous appelait par téléphone et elle nous la chantait par téléphone. Yallatnim, yallatnim, latbahra tayr rahamim, ruhya hamam latsaddi, am bidhak ali yallatnim. Léa, léa, l'handa. Écoutez le monde. C'était la langue perdue. Alors je crois que la jeune étudiante s'appelle Léa Seïd, c'est ça? Oui, c'est un exemple. Donc, j'ai récolté la parole de plusieurs personnes. Elle, d'ailleurs, je l'ai rencontrée ici à Venise parce qu'elle étudiait à l'école d'architecture UAV. Et c'est un exemple. Moi, j'ai trouvé intéressant d'avoir, de ne pas oublier quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Une langue perdue, j'ai appelé comme ça cette pièce ou cet entretien. Et en réalité, je me suis rendu compte en faisant ce travail que souvent, ce qu'on n'oublie pas, c'est quelque chose qui échappe. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Ce n'est pas une enquête sociologique, mais en réalité, c'était aussi une façon de penser chacun de nous comme une archive vivante. Et aussi de comprendre voilà, le fonctionnement de l'écoute, qu'est-ce qu'on retient, comment ça marche, pourquoi on n'oublie pas. La mémoire sert aussi pour oublier, c'est-à-dire elle retient des souvenirs pour en abandonner d'autres, elle fournit des souvenirs. Et je pense que c'est une première enquête. Je travaillerai sur ces questions-là aussi avec des neurologues, des historiens qui s'intéressent à cette matière, parce que l'idée, c'est aussi pour écouter les mondes, de commencer des recherches et puis de les porter pendant longtemps. Et surtout, comme vous l'avez dit, comme vous m'avez introduit, d'essayer de travailler avec d'autres disciplines que la mienne, toujours, toujours autour de l'écoute. Est-ce qu'il y a peut-être un son, enfin, on va peut-être enchaîner là-dessus pour après ouvrir la discussion avec Ona et Jean-Paul, mais avant de l'ouvrir, peut-être quelque chose qui nous lie tous aujourd'hui, c'est Venise. Et qu'est-ce que ça signifie qu'écouter Venise? C'est quoi ce son qui nous reste peut-être quand on est venu quelques années après, quand on revient quelques années après. Alors, pour ce travail sur Venise, juste avant qu'on écoute un fragment sonore, on ne peut pas ne pas faire un petit clin d'œil au fait que pour une fois, il y a d'autres travaux sur le sonore à Venise, une exposition entièrement sur le sonore qui s'appelle Listening Post, From Listening Practices to Sound Art. C'est à la galerie San Marco, donc pas du tout aux horaires où on est ensemble, hein, il faut y aller à d'autres horaires. C'est à la galerie, la Galleria de la place San Marco. Et dans cette installation sonore, vous pouvez écouter, outre le travail de Monica, mais des pièces de Claudio Ambrosini, des pièces de Luigi Nono grâce aux archives de sa fondation, des pièces de Marietta Teresa Sartori et de Christina Kubisch et d'autres personnes. Et donc c'est une incitation peut-être à se déplacer aussi en dehors, mais peut-être on peut écouter ce son que vous avez préparé de Venise. Mais... Peut-être j'en dis juste un mot. Cette exposition, donc, c'est vraiment une exposition consacrée à l'écoute. Et je vous donne un tout petit extrait. Luigi Nono disait, donc les compositeurs qu'on peut retrouver là, que Venise est une ville qui apprend à écouter. Elle apprend à écouter, il y a des raisons très spécifiques, aussi par l'architecture de la ville, aussi parce que c'est une ville des contrastes, c'est une ville où on peut entendre les fracas et puis quelques mètres plus tard, quelques pas plus tard, c'est les silences. C'est une ville aussi où les sons sont très réverbérants, l'eau, la présence de l'eau, les calli, strette, lunghe, corte, étroite, large, petite, etc. Et peut-être j'ai choisi un tout petit extrait de ce qu'on peut entendre dans cette exposition pour donner à entendre l'acoustique un peu de la ville ou plutôt les contrastes. Peut-être on l'écoute. Peut-être vous dire aussi, donc, par rapport à l'exposition, c'est vraiment une exposition consacrée à l'écoute. Et Luigi Nono, que j'ai nommé, il y a des archives, des très belles archives qu'on peut entendre, où justement il parle de la ville, de ses musiques. Les musiques des compositeurs vénitiens, en général, sont vraiment pleines de silences, et ce n'est pas un hasard. La ville a vraiment influencé, Claudio Ambrosini aussi, leur musique. Donc je pense que je crois que c'est la première fois que Venise fait une exposition à la Fondazione Villa Calamasa consacrée à l'écoute. On a pour celles et ceux qui veulent aller soit sur Internet, soit dans la pièce d'à côté, pour ceux qui ont la chance d'être à Venise, on a différentes nouvelles du monde de Venise, dont une envoyée depuis le passé, depuis 23 ans, par Stefania Giametta, qui est présente ici, et qui, à 23 ans, a travaillé sur... les paysages sonores de Venise. Mais peut-être, Stéphania, vous viendrez nous en parler samedi dans le plateau ouvert. Je précise aussi que samedi, on a un plateau ouvert. C'est-à-dire qu'on avait prévu des choses, mais c'est aussi l'occasion peut-être de venir le déranger en venant avec nous sur scène. Est-ce que ce son cette mémoire sonore dont nous parle Monica, la langue, Ona, Jean-Paul, vous voulez peut-être réagir au travail de Monica? Merci. Je ne sais pas si ça m'a... Oui. J'aime beaucoup le travail qu'on entend et surtout le lien que vous faites avec le titre, le concept de « Sang qui reste ». Je trouve vraiment, vraiment très juste. Et là même, en écoutant cette pièce de Venise, on se rend tout de suite compte que ce matériel est fragile et devient très rapidement très important de l'avoir. Non, je trouve que souvent, quand on enregistre un son, il prend l'importance assez vite dans le temps. Et même quand on entendait dans votre pièce à côté, ces gestes de se souvenir par cœur, on connaît aussi la fragilité de par cœur, non? Ça nous arrivait tous d'apprendre un texte, et puis d'un an, hélas, on a oublié ce poème qu'on aimait tant. Mais en tout cas, pour moi, dans ces titres que vous proposez, non, le son qui reste, il y a un double tranchant, parce qu'en effet, on pense à l'auditeur, à la personne qui écoute, face à aussi quelque chose qui reste malgré elle, qui résiste, non? Et en entendant l'étudiante, enfin la jeune fille qui parlait, c'est quand même quelque chose qui résiste face à l'absence de quelque chose d'autre qu'elle ne va pas récupérer, non? Et je pense que cette idée de résistance, ça nous lie directement à une émotion que même si elle ne veut pas, nous on la sent. Et il y a quelque chose de toujours très émotif et qui interpelle directement l'auditeur que on est nous parce qu'on va à la recherche de ces sons qui résistent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment que ça clôturait très bien. Est-ce qu'elle propose, mais c'est ce qu'on ressent. Et voilà. Oui, ce qui résiste est notre réel. Ce qui résiste voilà, c'est nous. Est-ce que... Oui. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le premier fragment des voix de... chanter en fait, et ça m'a fait penser tout de suite à des chants de mère ou d'enfants pygmées en fait, qu'on retrouve comme une comptine en fait, hein, pour s'endormir. Et je trouve qu'il y a des analogies possibles entre ces voix de berceuses en fait, qu'on peut retrouver dans le monde entier. Moi, à l'écoute de certains fragments que je trouve absolument superbes sur les villes rêvées, je pensais au fait que ces fragments sonores-là nous introduisait aussi au monde des rêves. C'est-à-dire comme si on rentrait dans un monde onirique. C'est-à-dire on parlait du rapport à la réalité, là, ces villes rêvées, pour moi, c'est presque aussi une sorte de passage entre la réalité, l'imaginaire, le rêve et l'éveil. Enfin, quelque chose, un entre-deux ou un passage entre deux qui est évoqué, en fait, dans ces fragments. Oui, moi, je pense que l'écoute, ça peut être une expérience très proche du rêve. Mais juste pour situer, il faut ce que vous dites, c'est parce qu'il y a d'autres pièces autour de la ville rêvée qu'on peut écouter. Dans la pièce à côté, dans les Nouvelles du Monde, il y a énormément de choses. Et parmi ces choses à écouter, j'ai composé des petites villes rêvées. En fait, j'ai posé la question à plein de questions en disant quelle est votre ville idéale, votre ville de rêve? Et qu'est-ce que vous voudriez entendre dans cette ville-là? Et à partir des 80 sons que j'ai reçus du monde entier, j'ai composé des petites villes utopiques, imaginaires et rêvées. Voilà. Merci. Monica, à votre tour après, de réagir aux sons qui restent dans les travaux qu'on va découvrir. Et on enchaîne avec vous, Ona Ballot. Vous êtes donc historienne de l'art. Vous démarrez une thèse sur ce patrimoine qui reste d'un temps assez ancien, on va le voir, des églises catalanes, romanes, plutôt du côté du Pyrénées espagnol. Donc, ce travail, à la fois, il démarre en recherche, mais il a quand même déjà démarré parce que ça fait au moins 2 ans que vous explorez ces lieux, que vous explorez ces églises, et depuis quelque temps que vous les faites sonner avec des artistes. Est-ce qu'on peut commencer peut-être à avoir quelques éléments avant qu'on écoute une composition sonore issue de votre premier travail? Oui. Alors oui, très brièvement, en fait, en effet, ça commence il y a 2 ans dans une expérience qu'on vit au musée. J'étais au musée à Barcelone, que c'est le musée national qui concentre un grand nombre de peintures murales, de fresques qui ont été enlevé par une technique qui s'appelle strapo, des murs d'églises romanes qui étaient dans les Pyrénées catalans, afin d'empêcher la vente à des Américains qui venaient acheter ces peintures pour les amener dans des musées aux États-Unis. Il y en a certaines qui sont déjà là. Donc le gouvernement catalan avait décidé, par un geste qui est un peu anodin, de vraiment enlever tout. Et voilà, et créer un musée à Barcelone qui hébergeait toutes ces peintures. Donc aujourd'hui, on peut se balader dans un seul hall où on a des fresques, des absides de telle et telle église. Donc les gestes premiers, une fois on est dans ces musées, c'est de se demander, de poser des questions sur quel est tout cet hors-champ qu'on ne voit pas, c'est quoi ces églises, elles sont où, qu'est-ce que c'est devenu ces endroits, et vite on se rend compte que ces églises aujourd'hui, elles sont fermées, donc apparemment elles ne servent à plus rien, parce que le joyau qu'ils avaient autrefois, parce qu'en plus l'iconographie est assez riche, faite par des peintres probablement italiens de la Lombardie. Voilà, c'est le grand joyau. Donc, une fois on a ça, qu'est-ce qui reste, non? Donc, un peu avec l'excuse du son, disons le premier pas, c'était se dire bon, les peintures ont été enlevées, ont voyagé dans des grandes villes, mais le son, qu'est-ce que s'est passé avec les sons? Il est resté sur place. Donc, l'enquête, la première question, c'est comment sonnent ces endroits. Donc là, on peut peut-être écouter et après, on peut commenter derrière. Maman. He portat una palada esta que he agafat del Vidal. Voilà. Et donc là, c'était le parcours qu'on a fait avec un musicien qui vient de ces vallées-là, mais qui n'était jamais rentré dans les églises parce que bon, il y a ces handicaps de fait qu'elles sont fermées. Donc pour pouvoir y accéder, il faut aller trouver la personne qui garde la clé. Normalement, c'est le plus âgé du village et normalement, il t'a dit non d'emblée. Donc il faut passer du temps et voilà, et expliquer. Souvent, le fait que tout le trajet entre les villages est fait à pied, ça fait que quand tu arrives, les gens sont un peu impressionnés de savoir que tu as passé un col pour accéder là. Et donc toi aussi, finalement, tu es chargé des petites histoires qui font aussi voilà, une arrivée plus aimable. Donc là, on a fait le trajet entre deux églises avec Arnau. Et lui, il vient de là-bas, mais voilà, on a décidé qu'il allait faire une improvisation dans les deux églises, qui sont très proches mais très différentes, avec tout ce qu'il trouvait qui restait à l'intérieur. Donc et voilà, il jouait avec le sol qui est fait de galets, il jouait avec les murs jusqu'à la cloche de la deuxième église qui est encore à la cloche. Mais voilà, il y a ces vents, souvent parce que toutes les portes sont à moitié ouvertes, les fenêtres cassées, donc il y a beaucoup de courant d'air quand on est à l'intérieur. Donc ça, c'était un peu le travail de son. Ouais. Mais on peut-être, je sais pas, Jean-Paul ou Monica, qu'est-ce que ce travail, à la fois qui démarre, mais qui a déjà une forme assez aboutie, puisque si les peintures ont fait le chemin des églises au musée, vous faites le chemin inverse, c'est-à-dire vous remontez, voilà, ce qui crée aussi un lien assez inédit. Voilà, comment ce son qui reste, en fait, cet espace acoustique, qu'on ne retrouve pas dans les musées, évidemment, mais Jean-Paul Thibault. Moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est à l'écoute du fragment, c'est comment cet espace-là, en fait, sonne aussi par des gestes. C'est-à-dire que dans ces églises-là, dans ces espaces-là, il s'y passe quelque chose. Et alors des gestes extrêmement ordinaires, ténus, l'improvisation du musicien aussi. Et donc, pour poursuivre un petit peu la réflexion de Tim Ingold hier, peut-être qu'on peut se poser la question de la manière dont des espaces appellent certains gestes et pas d'autres, font sonner l'espace d'une certaine manière et pas d'une autre. Et peut-être que ça pose la question de la comparaison. Est-ce que d'une église à une autre, par exemple, c'est les mêmes gestes? Ou est-ce que le musicien qui improvise va improviser de la même manière? Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour improviser d'une église à une autre? Et du coup, voilà, comment est-ce que le corps est en jeu, en fait, non seulement dans l'écoute, mais dans l'activation, en fait, de l'espace sonore lui-même? Non, mais justement, là-dessus, hier, j'ai réfléchi aussi en entendant ce qu'on commentait sur Ingold. Mais c'est vrai que le geste, par exemple, souvent quand on fait de l'histoire de l'art, les gestes entre le profane et le sacré, lorsqu'un sculpteur médiéval ou les peintres, ils dessinent, c'est souvent après une grosse observation de la réalité qui les habite. Et par exemple, dans ces fresques, ces peintures murales, on retrouve des ours, on retrouve tout un bestiaire qui est vraiment de cet endroit-là. Et que là, il se trouve qu'il se mélange à la Bible, parce qu'évidemment, il y a tout ce qu'il faut raconter, mais il y a aussi une réalité d'observation. Et là, je me disais que, en fait, le musicien, finalement, il finit par faire un geste semblable sans qu'on lui dise rien. C'est qu'il observe, mais il écoute beaucoup. Par exemple, les sons qu'on entend depuis l'intérieur de l'extérieur. Et je me souviens, c'est presque 5 minutes de silence qu'il y avait toujours avant de commencer l'improvisation, que finalement, il s'agit de comprendre où on est, d'écouter cette réalité accidentelle, de ces sons que, évidemment, ils se sont transformés avec le temps. Donc, on ne va pas parler d'un patrimoine figé tel qu'on entend le patrimoine aujourd'hui, mais c'est un son quand même original, originaire, in situ. Donc, il a une valeur, même dans sa transformation. Et je trouvais que le musicien, finalement, il faisait ces gestes un peu anciens de jouer de la musique en fonction de l'observation du moment. Mais si, par rapport aux gestes, moi aussi, je trouve touchant cette idée d'entendre des gestes ténus. Ça me fait penser au son, mais les gestes, c'est une présence humaine, en fait. Ça me fait penser aussi au son. Les sons, c'est toujours des autres. Et donc, et je me demandais justement si ces sons-là, est-ce que tu les as fait écouter aux habitants? Est-ce qu'ils évoquent quelque chose pour les personnes qui vivent là-bas, qui ont fréquenté cette église? Est-ce qu'il y a des mémoires qui peuvent s'entremêler? Oui, c'est... En fait, tel que j'ai positionné les micros pour faire les enregistrements, il y avait beaucoup de micros, et tous les micros pointent les murs des églises, parce que l'idée ici, c'est de se mettre à la place de comment l'église écoute les sons qui se produisent, plutôt que microphoner le musicien. Et donc ça, c'était une idée que théorique que je voulais appliquer de base. Donc ça, c'est le résultat. Mais c'est vrai que même si on ne les capte pas, les peu villageois, ils sont présents pendant les enregistrements de musiciens. Donc, en fait, ils étaient là, très silencieux. On les entend un peu à un moment, mais voilà. Et on les a invités, donc on a profité d'ouvrir les portes, de créer ces moments que l'Église servait à quelque chose et on s'est servi d'elle pour inviter les gens. Et en fait, ils ont beaucoup apprécié. Et après, avant, pendant qu'on préparait, j'avais mis des micros à l'extérieur aussi. Et donc, j'ai capté des conversations très intéressantes sur l'Église qu'ils faisaient eux-mêmes, sur le fait que bon, la restauration, ils l'avaient fait entre eux il y avait 50 ans et que maintenant, c'était complètement déglingué. Ils critiquaient un peu les uns les autres. Mais voilà, c'est un matériel que j'ai aussi. Et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup avec Nicolas de quoi faire avec tous ces matériels vraiment de ces villageois, c'est un moment aussi présent et très précieux tout d'un coup, parce que c'est une génération que là j'enregistre et ils ont parole, mais voilà, il faut aussi les intégrer et s'en servir. Merci Ona. Je propose qu'on change de continent, on traverse l'Atlantique pour aller du côté du Brésil. Grâce à un travail mené par Jean-Paul Thibault et toute une équipe. Donc Jean-Paul Thibault est sociologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire AAU, à l'équipe Cresson. Donc votre domaine de recherche, c'est la théorie des ambiances, mais aussi plus profondément peut-être des sensibilités contemporaines, des nouvelles sensibilités qui font jour à l'heure des crises écologiques et des enjeux écologiques et des crises climatiques, couplée à la perception ordinaire du milieu urbain, à une ethnographie sensible des espaces publics, avec ce prisme de l'anthropologie du sonore. Alors, peut-être citer un des derniers ouvrages que vous avez co-dirigé, parce que c'est une édition italienne, les éditions Galahad, d'un ouvrage où chacun écrit avec sa propre langue, italien, français ou anglais. Et donc ça s'appelle Unheard Landscapes, Listening, Resonating, Inhabiting. Alors, cette question de comment l'espace résonne ou comment il sonne, eh bien, ça a été la clé de départ d'un travail à Mahoa. Alors, je propose de commencer juste par l'écoute d'un fragment extrêmement bref, donc je vous demande d'être assez attentif, c'est très court. Et après ce fragment-là, je vais essayer de vous raconter l'histoire d'une enquête. Mais pour commencer par le son. Voilà, fragment très très court qu'on a appelé le grand cri, qui a été en fait organisé par un collègue de l'équipe, Patrick Romieux, qui a déjà été signé par Nicolas tout à l'heure, qui faisait partie du collectif d'enquêteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cri? À quoi est-ce qu'il renvoie? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'il nous dit en fait des sons qui restent, sachant que c'est peut-être le dernier son qu'on a capté in situ quand on est allé sur place à Mahoa. Alors, pour vous présenter un tout petit peu ce qui s'est passé, c'est que on a mené une enquête de type classique de sciences sociales, de nature anthropologique, où un collectif de chercheurs, à la fois français et brésiliens, sont allés sur place à Mahoa, donc à une trentaine de kilomètres de Sao Paulo, pour étudier la vie d'un quartier, d'un condominium, d'environ 50 bâtiments, environ 7000 personnes qui habitaient. Et il s'agissait en fait de comprendre l'expérience d'un quartier qui est contaminé. C'est un espace qui a été construit sur une butte, sur une colline, entouré à la fois d'un pôle pétrochimique d'un côté et d'une favelas de l'autre. Et cette butte-là était contaminée. Et très vite, on s'est rendu compte que l'espérance des habitants d'habiter un quartier tranquille et agréable a été très très vite déçue, puisque dans les années 2000, il y a eu une explosion dans ce quartier-là. suite à des travaux menés en souterrain, une explosion qui a fait un mort, qui a fait un blessé grave, et qui a révélé le fait que le quartier était construit sur un quartier sur un terrain contaminé. Donc les habitants apprennent cet état de fait à ce moment-là, alors qu'ils habitent déjà le quartier. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là et comment est-ce que les habitants vont habiter cette nouvelle situation. Donc avec une équipe de chercheurs, on est allé sur place et on a mené l'enquête pendant une semaine. Alors je vous passe sur la méthodologie d'enquête, mais c'est des travaux très qualitatifs, où on s'appuyait sur des entretiens, sur des observations ethnographiques, sur des parcours qu'on faisait commenter par les habitants, des enregistrements sonores, des écoutes réactivées, donc on demandait à des habitants de réécouter des fragments, enfin tout un ensemble de démarches qui essayaient de comprendre l'expérience de ce quartier-là. Très vite, et on parlait de la première impression, de l'importance de la première impression tout à l'heure, quand on est arrivé sur place, on a eu trois premières impressions. La première, c'est la moitié du quartier qui n'était pas construite, c'est-à-dire qu'on avait des bâtiments construits et habités, et une autre partie du quartier composée de bâtiments qui n'étaient pas terminés, qui étaient des bâtiments fantômes, qui étaient complètement désaffectés. Donc une impression très très forte déjà dès le départ. La deuxième impression, qui était la présence très forte d'odeurs très particulières, qui étaient en fait des émanations du sol et de l'air toxique. Donc à certains endroits ce quartier-là, on sentait en fait des émanations, des vapeurs toxiques assez fortes. Et puis la troisième, qui a été l'objet aussi de notre enquête, c'est que très vite, on s'est accordé pour dire que on était dans un quartier où se trouvait du silence, mais un silence très particulier, très énigmatique, et qui faisait presque l'unanimité au sein du collectif d'enquêteurs. Où la première impression était celle-ci, c'est bizarre, on est dans un espace silencieux, mais de quoi est fait ce silence? Qu'est-ce qui se passe là avec ce silence? Et une grande partie de notre enquête au cours d'une semaine a consisté à essayer de comprendre de quoi est fait ce silence. Alors, pour ça, je vais peut-être vous lire quelques fragments simplement d'un journal de bord qu'on a tenu tous ensemble. Donc, pour mener l'enquête, on a tenu un carnet de bord collectif où régulièrement le collectif d'enquêteurs se retrouvait pour rendre compte de l'enquête, de ce qui avait été observé, discuté avec des habitants, entendu, etc. On se retrouvait tous ensemble, on enregistrait nos discussions. Et cet ensemble-là, répété au cours de la semaine, a donné lieu à un carnet de bord qu'on peut lire d'ailleurs, qu'on peut réécouter, etc. Ce que j'ai fait, j'ai simplement prélevé que certains fragments de ce carnet de bord qui parlent du silence et qui essayent de nous expliquer collectivement de quoi est fait ce silence, sachant que notre interrogation était toujours dans un aller-retour entre la discussion qu'on avait entre nous, entre enquêteurs, et puis en même temps, les discussions qu'on avait évidemment avec les habitants, ce que les habitants nous pouvaient nous dire en fait de ce quartier-là. Alors je vais simplement vous lire quelques fragments de ce journal de bord et vous allez voir que les raisons ou les explications qu'on s'est données sont très multiples en fait. Il n'y a pas une explication pourquoi ce silence énigmatique, de quoi est-ce qu'il est fait et de quoi il est composé. Vous allez voir qu'il s'appuie sur tout un ensemble d'observations très, très différentes. Alors je vous lis quelques éléments, sachant qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Le silence des voix. Alors je vous lis quelques citations en fait, de chercheurs. Ce milieu de vie, on ne l'entend pas. J'ai quasiment entendu aucune voix, très très peu de présence humaine. Annalise, qui était une des chercheurs brésiliennes de l'équipe, dit que c'est la deuxième fois qu'elle vient ici. Et elle a aussi cette sensation que ça manque de gens. Au début, c'était un calme apaisant. Puis en me promenant, j'ai noté entre le calme apaisant et le silence de la désolation. Autre élément, oiseaux et avions, un sentiment d'écrasement. J'étais très attentif à la transition entre l'intérieur et l'extérieur, par l'espace sonore donné par les oiseaux. Et une autre personne dit, moi je rajouterais juste les avions qui sont très présents. Oui, la présence très forte des avions, soit en décollage, soit en atterrissage. Ils font un plafond sonore très bas, j'ai un sentiment d'écrasement. Autre élément, l'intérieur sans bruit. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de bruit à l'intérieur du condominium qu'à l'extérieur. Quand on est descendu, on a longé le ruisseau, donc il y avait un ruisseau en bas du condominium. En allongeant le ruisseau, il y a un autre quartier. Il y a des petites maisons avec grillage à l'entrée. Et là, il y a beaucoup plus de bruit. On a en fait tout un ensemble de propos qui consistent à documenter les raisons de ce silence-là, qui s'appuient sur l'idée, des idées en fait qui vont émerger petit à petit, le fait que c'est un quartier qu'on ne peut plus toucher, c'est-à-dire qui est complètement préservé dans la fabrication même, puisque si on commence à planter ou à faire des travaux, on va avoir des risques d'explosion. Donc du coup, le quartier est complètement à l'arrêt. Le fait qu'il n'y a aucune voix des enfants et peu de présence humaine dans le quartier. Le fait que, en fait, on a un espace sonore qui est envahi de sons qui viennent de l'extérieur, le pôle pétrochimique qui est très présent, la favela, ce qui est à côté en même temps, donc tout un ensemble de productions sonores qui viennent de dehors, qui envahissent l'intérieur, mais l'intérieur, en fait, est marqué par un silence. Donc, ce qu'on essayait de décrire et de montrer, et il y aurait là encore tout un ensemble d'éléments de discussion, c'est comment est-ce que ce silence-là, en fait, est la résultante d'un mode de vie particulier qui est complètement marqué, imprégné par ce risque d'accident qui apparaît à un moment donné, dans les années 2000, et qui va transformer les usages, les possibilités d'usage des espaces publics, le fait qu'on rencontre peu de gens, que les enfants ne sont pas là, que les aires de jeu sont désaffectées, le fait que certains passages sont condamnés, etc., etc., qui vont expliquer, en fait, la présence de ce silence très énigmatique pour nous, qu'on va finir par qualifier comme un silence qui va être très douloureux en fait, pour les habitants, un silence qui va être aphone, sans voix, qui va être inconsistant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence forte à l'intérieur même de ce quartier-là, mais plutôt une présence autour. Donc tout un ensemble de qualifications qui essaie de dire ce silence-là, il vient d'un état particulier, d'une forme de vie sociale particulière marquée par le risque d'accident. Alors je reviens au grand cri peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce grand cri ? Ce grand cri, en fait, est organisé à la fin de notre enquête, qui est composé à la fois d'un collectif d'habitants et d'enquêteurs. Donc là, quand vous entendez crier, c'est à la fois les habitants du quartier et les chercheurs qui crient ensemble. Donc je vous ai passé dans l'extrait, j'ai coupé en fait toute la préparation en fait de ce grand cri. On répète avant d'arriver à se synchroniser. Et ce grand cri, en fait, va être une expression à la fois de la rencontre entre deux collectifs d'enquêteurs et d'habitants, et va être aussi une manière de redonner voix aux habitants, puisque en fait, à l'explosion, les habitants vont bien sûr entrer en résistance, vont dire mais c'est pas possible d'habiter un quartier comme ça, on n'a jamais été prévenu de ce risque-là, ça a transformé notre vie, on ne peut pas partir parce qu'on n'a pas les moyens de partir, etc., etc. Donc il y a eu toute une résistance organisée par les habitants par rapport à ce quartier-là. Simplement, cette résistance-là, il y a eu un procès, etc. Cette voix-là des habitants n'a pas été entendue par les pouvoirs publics. Donc ce grand cri, c'est aussi le grand cri de la résistance des habitants qui s'insurgent contre leur condition de vie et qui n'est pas en fait reconnue comme telle. Alors, dernier élément, et on va réécouter maintenant ce fragment avec tous ces éléments-là de compréhension. Si vous écoutez attentivement, vous allez entendre juste avant le grand cri une sorte d'écho qui se répète à plusieurs fois et qu'on retrouve à la fin. C'est en fait un montage très très élémentaire où on a sélectionné en fait l'écho du cri qu'on entend par les bâtiments. Donc vous entendez 3 ou 4 fois l'écho, puis le cri, puis 5 fois ensuite l'écho de ce bâtiment et de ce cri. Et je crois que cet écho-là représente d'une certaine manière les voix fantômes, peut-être le son qui reste, les voix fantômes en fait de ce quartier d'habitants qui n'arrêtent pas de crier leur douleur, sachant que c'est un quartier qui est maintenant très dangereux. Enfin, il y a des risques d'accidents très forts, il y a des causes de cancer aussi très très graves, donc c'est un quartier très difficile. Et voilà, donc ce fragment-là dit un peu ça, dit aussi l'expression de douleur des habitants, de résistance, et en même temps la rencontre entre ce collectif d'enquêteurs et ce collectif d'habitants. Donc je propose qu'on s'arrête là. Merci Jean-Paul de ce témoignage, de cette expérience collective. Mais peut-être que justement, Monica et Ona, vous voulez réagir à ce travail. Et en fait, on n'est pas si pressé que ça par le temps. Et donc, nous pourrons aussi vous passer la parole pour ceux et celles qui veulent réagir au travail de nos collègues, de façon courte quand même. Mais on fera circuler un micro juste après. Oui, moi j'ai trouvé intéressant, ça fait la deuxième fois depuis que ce plateau radio existe et que Radio Utopia existe ici, qu'on parle du silence. Et pas de manière forcément positive. Et je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser au fait que souvent on cherche les silences, oh, il a une connotation très positive, il y aurait des bons sons et des mauvais sons. Et de fait, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des sons subis et des sons qu'on choisit. Et encore une fois, je pense une posture d'écoute. Et en tant qu'écouteuse, que quelqu'un qui écoute, je me pose aussi cette question de comment écouter. C'est la question qu'on s'est posée au départ. C'est très complexe, en fait, écouter. Ça veut dire être à la fois en soi, parce qu'on écoute avec son histoire, sa mémoire, on cherche soi, son histoire dans les autres, son imaginaire, et en même temps, au dehors. Et pour moi, l'écoute, peut-être c'est un croisement, c'est un point de croisement entre ces mondes-là. Ça me fait penser à ça. C'est vrai que cette question-là du silence, on l'a beaucoup travaillé au Brucresson avec Pascal Amphifou, qu'on entendra aussi demain. Elle est très très présente dans nos travaux et en particulier dans cette expérience-là. Et en fait, on en venait à se dire que, en fait, parler de silence au singulier n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais qu'il faudrait poser au pluriel, en fait, et qu'on est souvent confronté entre des alternatives assez différentes entre le silence de la tranquillité, du calme, et puis le silence qui fait taire. C'est aussi le silence que voilà, les habitants, en l'occurrence, là, ne peuvent pas parler, qui peut être violent, etc. Et puis, il y a le silence, et peut-être ça renvoie aussi à cet élément-là, qui permet l'articulation des choses, qui permet de passer d'une chose à une autre, qui permet justement de se mettre dans une posture d'écoute particulière. Et c'est peut-être, enfin, je trouve cette piste-là qui est extrêmement intéressante, effectivement. Qu'est-ce que le silence permet d'écouter et de se mettre dans une certaine posture d'écoute particulière. Ona, peut-être, je ne sais pas si c'est le même silence. C'est pas le même silence là. Non, c'est pas le même silence. Mais bon, je pense que les deux c'est un silence un peu diégétique parce qu'il est imposé, non? Enfin, on les sent très présents justement parce que là, en vous entendant, je vois plein de couleurs, plein de choses qui sont très brouillantes, non, même une usine. Les chavolas que vous parlez, donc des images en fait qui renvoient beaucoup de sons, et là tout d'un coup c'est un silence qui me paraît très imposé, très diégétique donc quelque part. Et surtout par rapport au cri, ces gestes ce qu'on commentait tout à l'heure, non, de choisir de composer avec le matériel pour donner une idée derrière. Finalement le cri c'est quelque chose de purement fictionnel. Au début on parlait de c'était de la fiction. Par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel complètement réaliste, du réel, de l'anthropologue, pour lui donner une vision, non, c'est le moment où on coupe, on prend le choix de, avec cette matière brute, créer quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la fiction, mais pour donner une idée qui est complètement, non, qui concentre l'essence de quelque chose qu'autrement peut-être on ne pourrait pas exprimer, non, il faut demander de crier ces gestes. Du coup, de la fiction, mais qui résume. Oui, tout à fait. Et on parlait en tout début de plateau de l'importance des sons qu'on ne remarque pas nécessairement ou qui sont en arrière-plan, effectivement. Et c'est certainement... peut-être qu'on pourrait se dire que, pour être très caricatural, il y a deux façons de se poser la question du son qui reste. C'est-à-dire, c'est le son de l'événement. Par exemple, le son de l'explosion dans le cas de Mahoua, où là, on a un événement extrêmement marquant qui va être traumatisant et qui va rester dans la mémoire des habitants. J'ai pas parlé d'ailleurs de cette hypervigilance des habitants suite à l'explosion, où ils sont constamment sur le qui-vive et presque en alerte d'une autre explosion. Donc ça, c'est un son qui reste en même temps en mémoire. Donc l'événement, et puis le son effectivement de l'arrière-plan ou de l'arrière-fond, c'est-à-dire qu'on baigne dans un milieu qui finit par nous imprégner de ses sonorités et qui finit par faire partie de ce qu'on est, quoi. Et là, pour le coup, c'est effectivement quelque chose qui passe inaperçu, pas du tout remarqué, qu'on intègre sans qu'on en ait conscience, mais qui font partie de nous aussi. C'est peut-être aussi une deuxième façon de poser la question du son qui reste, quoi. Alors, je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent depuis le début, certains veulent réagir à une de ces trois travaux, expérience, recherche, création, en fait. Hein, vous voyez que les choses sont extrêmement fluides dans ces catégories. Bonjour, merci. J'ai une question parce que on est quand même dans la Biennale d'architecture et je pense que le silence aussi vient de l'âme de lieu et que l'âme de lieu, on essaye de le faire parler, de faire en fait de bruit pour qu'elle parle. Mais parfois, comme les deux exemples, il y a le silence de la paix et qui peut même gêner quand on est à l'extérieur du lieu, parce que le silence nous remet à nous-mêmes, donc ça gêne. Et parfois, on a besoin vraiment de rentrer dans un autre monde, à faire de bruit, faire des mouvements sonores, pour justement faire comprendre ce silence. Et dans le silence douloureux d'une ville malade, où la terre, elle crie, en fait, c'est le cri pour moi plutôt qui vient du fond de ce qui est là, de tous ces remèdes, ces chimies qui sont là à l'intérieur et qui explosent dans chacun, et c'est l'angoisse. Donc c'est vraiment intéressant pour moi, l'histoire du son, parce que l'histoire du son, c'est écouter avec une oreille qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, c'est un peu ce que disait Monica, et qui nous fait aussi revenir à ce qui est au fond de nous. Et ça peut gêner, comme ça peut nous rendre en paix, ça dépend du moment de chacun. Et je trouve que le son, c'est pour moi magique. En fait, c'est pas une question, c'est juste un sentiment qui est assez magique et très profond. Et ça, je trouve que c'est une semaine assez riche pour cela. Voilà, merci. Alors, une autre prise de parole, peut-être, sur cette intervention. Ah, deux carrés, deux à la suite. À la fois une remarque et une question sur la dimension sociale du son. C'est ce que j'entends quand j'entends parler Jean-Paul. Ça m'évoque, moi, des travaux en quartier populaire où cette question du son, elle peut être très singulière, notamment avec la hauteur de voix et la manière dont on se parle dans l'espace public, et qui peut être une manière aussi de s'approprier cet espace quand il est menacé par des formes de gentrification, par exemple. Je me dis que c'est aussi une forme de cri pour dire nous sommes ici et nous y restons, nous résistons. Si vous cherchez le grand cri Mahoua sur Internet, vous trouverez la vidéo et vous verrez que les gens sont alignés face aux immeubles. Et donc le cri est aussi, c'est le cri au quartier, quoi. C'est Pascal, je crois. Non, mais moi je proposerais, parce que je trouve qu'on est vraiment face aux immeubles là, et je proposerais qu'on fasse un grand cri pour conclure ce truc. Et qu'on est bien dans un espace de silence total, puisque c'est un silence un peu paradoxal, mais qui est couvert par les cigales, quoi. Et c'est comme si ce beau window était en fait un grand entonnoir sonore. Je pensais ce que vous avez dit tout à l'heure sur le surtout à partir de la première intervention, mais aussi après sur cette question de ce qui reste. Et je crois que c'est toi qui as dit ce qui reste finalement, c'est le son, mais peut-être le son qu'il faudrait dire pur, ou le son, l'essence d'un son, quelque chose qui serait de l'ordre d'une réduction eidétique, c'est comme ça qu'on dit en phénoménologie, c'est ça, enfin, qui est vraiment le son au sens le plus profond du terme, quoi. Et je me disais, mais il y a un aphorisme qui est attribué, je crois, à Pascal, pas moi, hein, mais l'autre. Il n'y en a que deux des Pascal. Et qui dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et alors, je me dis, finalement, là, ça montrerait bien que la culture, elle est d'essence sonore. et qu'il n'existe pas de culture sonore, ça c'est des trucs pour sociologues, mais que fondamentalement la culture serait quelque chose de l'ordre du sonore. Bon voilà, c'est pour une remarque. Alors Jean-Paul, il y avait quelqu'un d'autre, hein, Jean-Paul. Non, peut-être pour réagir à vos différentes interventions. Alors Pascal, la culture de l'ordre du sonore, bah, peut-être dans la mesure où il me semble que dans les travaux qu'on mène, c'est aussi l'idée que le son, il est jamais pur en fait. C'est-à-dire qu'il est toujours pétri de pratiques sociales, d'histoire sociale, de mémoire culturelle, d'un passé, d'espace construit, etc. Et donc c'est d'une certaine manière toute une culture qui s'exprime par du sonore. C'est-à-dire que le sonore n'est pas dissociable, disons, de ses conditions d'émergence, de ses conditions d'existence qui font qu'on l'entend d'une certaine manière et pas autrement. En fait, c'est peut-être ça m'évoquait ça. Et pour la question de l'écoute, alors moi je pensais à la troisième oreille, justement on parlait de l'oreille, la troisième oreille en fait d'un psychanalyste qui s'appelle Reich, qui nous parlait justement de cette existence d'une troisième oreille qui supposerait une écoute de l'ordre psychanalytique presque, qui n'est pas une écoute focale mais plutôt défocalisée, c'est-à-dire qu'on se met en situation d'inattention choisie, de façon à pouvoir percevoir ou ressentir la plus grande partie des sons à disposition sans avoir à choisir l'un parmi d'autres. Et peut-être que c'est ça aussi cet esprit du lieu, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans un espace, on est dans une ambiance, puisqu'on travaille beaucoup aussi sur l'ambiance aussi, et cette ambiance-là, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout une tonalité affective qui regroupe ou qui... homogénise ou qui atmosphérise l'ensemble des sons à disposition à un moment donné, qui fait que on entend tout et rien en même temps, quoi. Que on est dans une écoute diffuse, dans un son diffus qui renvoie une qualité ou une tonalité particulière qu'on essaye de qualifier. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur ce silence qu'on qualifiait d'aphone, de dépressif, d'inconsistant, etc. Ben, c'est une tonalité à un moment donné qui marque un espace et qui effectivement peut-être renvoie un esprit des lieux. Alors sur le silence, peut-être un texte que vous nous proposez, Monica. Ouais, ben justement aussi ce que vous avez dit sur le silence, ça m'a fait penser à des compositeurs vénitiens qui sont toujours présentes dans cette, comme Claudio Ambrosini, par exemple, qui dit justement que le silence, c'est un miroir, il permet de s'écouter soi-même. Mais alors pour finir, moi, je voudrais juste citer à nouveau Luigi Nono, ces grands compositeurs vénitiens. Je vais les lire, mais c'est quelques mots en italien, parce que c'est à la fois, il parle du silence, et surtout de cette chose que moi, m'intéresse beaucoup, et peut-être nous tous, qu'est-ce que ça veut dire qu'écouter? Comment on tend l'oreille au monde? Et en fait, il dit ceci, il silenzio è molto difficile da ascoltare, molto difficile ascoltare nel silenzio gli altri, altri pensieri, altri rumori, altre sonorità, altre idee. Quando si ascolta, si cerca spesso di trovare se stessi degli altri, ritrovare i propri meccanismi, sistema, razionalismo nell'altro. E questa è una violenza del tutto conservatrice. Je vous traduis rapidement, parce qu'il y va un peu, il est un peu dur, mais il dit... Écouter, c'est très difficile d'écouter les autres. Des pensées, des bruits, des sonorités, des idées nous traversent l'esprit. Quand on écoute, on essaye souvent de chercher soi-même chez les autres. Retrouver ses propres mécanismes, son système, son rationalisme dans l'autre. Et ça, c'est une violence conservatrice. À la place d'écouter les silences, on écoute... On espère d'écouter encore une fois, ou d'écouter les autres plutôt, on espère d'écouter encore une fois soi-même. C'est une répétition qui devient académique, conservatrice. C'est une mentalité qui fait qu'on aime la commodité, la répétition, les mythes. Donc je trouve ça assez intéressant, cette critique un peu féroce de nos manières à tous de faire et d'essayer d'ouvrir l'écoute à d'autres idées, à d'autres pensées, d'en faire un point de croisement. Possible. Merci. Et le son qui reste, C'est aussi les voix des amis partis. Et il y a quelques mois, une collègue du Cresson, qui s'appelle Sandrine Depau, est décédée. C'était une chercheuse qui a aussi travaillé beaucoup sur le sonore. Et avec Jules Macoisan, qui est ici, avec Jean-Paul Thibault, vous avez mené une recherche qui s'est appelée Moby Kid sur les trajectoires des enfants dans la ville ou comment les enfants perçoivent la ville. Et peut-être, Jean-Paul, dans un premier temps, vous pouvez dire deux mots sur Sandrine et sur ce travail. Et Jules, vous avez proposé une composition sonore à partir du travail réalisé avec les enfants. Jean-Paul, peut-être tu peux à la fois resituer le cadre de cette recherche où on s'intéressait grossièrement à l'autonomisation des enfants dans la ville vers l'âge de 8, 9, 10 ans, au moment où les parents les lâchent. Voilà, donc c'est une recherche donc, qui était pilotée par Sandrine Depau, qui était psychologue de l'environnement à Rennes et qui développait des travaux autour de l'expérience enfantine. Donc la question, c'était comment est-ce que les enfants arrivent à devenir autonomes dans leur mobilité dans la ville et quels sont les processus en œuvre pour devenir autonomes. Donc c'est une recherche qui était composée par de nombreux laboratoires assez différents, dont le laboratoire Cresson AU, qui était plutôt chargé là d'une enquête qualitative avec des enfants, où là on procédait à des parcours commentés. Donc très vite dit, on accompagnait des enfants dans leur trajet domicile, école-domicile plutôt, et on les enregistrait. On leur demandait de nous décrire, de commenter leur expérience, de leur parcours quotidien quand ils reviennent de l'école et qu'ils vont chez eux. Donc on a fait tout un ensemble d'enquêtes de cet ordre-là, d'enregistrements. Et la question s'est posée bien sûr après, qu'est-ce qu'on fait de ces enregistrements-là? Comment est-ce qu'on peut les analyser? Et peut-être qu'il y aurait là encore de façon très très schématique deux façons. Une première façon consistant à écouter ce que les enfants nous disent dans le contenu de ce qu'ils nous racontent, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'ils nous disent de leur parcours, quelle expérience, qu'est-ce qu'ils nous disent des repères qu'ils rencontrent, comment est-ce qu'ils commentent en fait leur expérience. Et puis une autre façon, sans doute plus délicate, plus difficile, et qui était en fait une exploration et un peu une prospective, consistait à dire, mais quand on entend ces enregistrements sonores, on entend des voix justement. Et dans ces voix-là, il n'y a pas seulement du contenu, verbal, linguistique, mais il y a aussi des expressions de l'ordre des affects, de l'ordre des tonalités, justement, et des éléments qu'on peut qualifier à la fois de pathique et de fatigue. De pathique au sens où l'enfant essaie d'établir le contact avec la personne à qui elle parle, avec l'enquêteur. Donc on va entendre peut-être dans les enregistrements des oui, ou, etc. Et puis des éléments très de l'ordre du... de l'affect et de l'émotion. Donc là, le travail qu'a effectué Julien, mais je te laisserai en parler après, consistait à dire si on gomme et si on enlève les éléments plus sémantiques de contenu verbal de ce que nous disent les enfants et qu'on garde en fait leur rapport affectif au lieu qu'ils traversent, qu'est-ce qu'il reste en fait dans leur voix, dans la tonalité de leur voix, qui nous disent aussi quelque chose de leur expérience, de l'espace et de leur traversée école-domicile. Complètement. Et pour moi, ça résonne avec les sons qui restent, dans le double sens du mot rester, c'est les sons résiduels. Une fois qu'on a enlevé tous les mots qui peuvent servir de mots-clés, qu'est-ce qui reste de paroles non clés, justement, qui sont justement ces respirations, ces intonations, ces hésitations, ces... Alors, c'est là que c'est une mission que m'a confiée Jean-Paul, je ne savais pas comment la prendre au départ, et finalement, en faisant des petites catégories entre les simples hésitations que chacun fait à chaque instant, un petit peu la base de la parole, de la communication verbale aussi, jusqu'à quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les enfants, que je ne sais pas pour quelle raison on trouve encore pas mal chez les Italiens, chez les Français de moins en moins. Quand on devient adulte, on chante beaucoup moins lorsqu'on parle. Et ça, ce sont des petites distinctions à la fois dans l'évolution ontogénétique et phylogénétique, quoi, en gros. Je ne sais pas pourquoi, comment ça s'organise. En tout cas, une des catégories, après les E, après les hésitations, les corrections, ah, j'ai pas pris le bon mot, il y a aussi ces expressions mélodiques dans la voix, que n'importe quel mot peut avoir plusieurs expressions mélodiques, une infinité en fait. Et puis si on a un petit quart d'heure, peut-être on peut aller jusqu'à des expressions verbales où les enfants inventent le langage eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils servent des mots qu'ils apprennent, qu'ils sont en train d'apprendre, comme tout un chacun toute sa vie, j'espère. Mais tiens, ils brodent avec ça, ils inventent des expressions que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse formuler quelque chose de cette manière-là. On écoute un petit quart d'heure. Alors. Hésitation. Voilà. Bah. À mieux. Bah. Je sais pas trop. En fait celui-là il est un petit peu on prend toujours le même chemin. Et du coup je regarde souvent c'est... j'aime beaucoup donc alors expression monosyllabique depuis que je suis arrivée. On va passer les expressions monosyllabiques. Août 2017. Les expressions monosyllabiques, c'est quand l'enquêteur pose tellement de questions que l'enfant, il n'a pas le temps d'en passer une, en fait. Ne répond. Oui, non, oui. Ah, peut-être. Il y a deux ans. Oui. Oui. Oui. Oui. Ouais. On les passe. Ajustement de la parole. Alors, quand on a comment ça s'appelle le je sais plus comment ça s'appelle ce qu'il y a au fond. Un city stade. Oui, voilà. Le city stade. Des fois le vendredi soir, je vais chez mes copines des fois. D'accord. Même si on prend le plus long, on devra passer là en tout cas. Je sais, oui, c'est où il y a le belvédère et l'église. Ah voilà, ça c'est en mieux là. Le terrain de judo. Un sentier. Juste un sentier. Le chemin est facile. On va dire. C'est tranquille. Ici, c'est tranquille. Oui, c'est tranquille. Sinon, c'est pas du tout tranquille. C'est pas très tranquille. Ah, tout à fait, tout à fait. Enfin, j'ai une maison qui date de. Je pense. De quelques siècles. Pour faire. Pour faire du comment ça s'appelle le quand on doit courir le cross tout le temps, je change jamais. Ah si, à part c'est je sais pas c'est... Et cette année, on a les